Ok. Allez mesdames, la fraise pas chère aujourd'hui, on y va. C'est les deux mêmes, oui. Bonjour Matin. Pour éviter les bouchons. Bonjour, ça va. On n'hésite pas mesdames, on y va. Allez-y, vous pouvez me servir monsieur. Et on n'hésite pas, on charge. On charge. Les fraises, la salade. Allez, on y va, on est là. Madame, terminé ? C'est parti ! La plage. Alors, 4 euros. Voilà la plage, j'avais dit, et un euro. Et un complément. Peu importe. Voilà, madame, 2,75, s'il vous plaît. Allez, la fraise pas chère ! Merci, madame, 2,75. Ouais. Et voici 17,25, s'il vous plaît, pour faire les maths. C'est moi, madame. Une bonne journée, un bon week-end. Merci, au revoir. On vient à quelle heure manger, madame? Je pense que c'est pas bon aujourd'hui. Nous, on est 10. Non, pas moi, je suis 10. Ça fera 11. Voilà, c'est bon. Ça fera 11. On mettra la table d'eau. Allez, la belle fraise pas chère, mesdames. Salut, messieurs. Tu vas bien? Ouais, nickel, toi. Pick-up. Allez, pose ça, mets-le là. Allez, la belle gariguette, pas chère, mesdames, voilà. La belle gariguette. Okay. Attends, Lolo, on va commencer par le fond. On va commencer par là-bas. Madame, venez, je vais vous l'ouvrir, madame. Oui. Je vous montre, regardez, je vous montre, ça va servir pour les prochaines fois. Juste à tirer, et là il y a une pointe qui sort. Et là votre sachet est ouvert de l'or. Même en magasin ça marche. Vous avez vu? Allez-y. Hein. Bonjour la copine. Bonjour. Je te rassemble. Voilà. Préservons notre planète s'il vous plaît. Non, c'est bon, c'est bien, non? Tu aurais dû me le laisser. Ah bah c'est bien. C'est pas gentil. Non, tu voulais les deux. Tu voulais deux sachets. Ouais, mets-le dans la bouche. Ouais. Pour faire quoi? C'est deux pour différer parce que je vais pas le mettre dans la pain. Ah ouais. Bon corps, non. Bon, juste une fois. Gentil. Alors écoute, il y avait 3,48, on arrondit à 5. Comme ça on est. S'il te plaît, tiens, 3,48, je te mets dedans. Hein. Voilà. La gariguette, c'est de l'extra. Deux, c'est parti. La belle gariguette pas chère, mesdames. La belle gariguette pas chère. On n'hésite pas à ma profite aujourd'hui. Hein. Voilà. 3,48 et 5, 8,48. S'il vous plaît. Là, il n'y a que les fraises. Un bon week-end, ma tante. Encore 48. Ou 50, c'est pas 50. Y'a pas. Alors c'est des pois les gens qu'on a détruits. Non, pomme et pois. Et voilà. Voilà. S'il te plaît. Pomme. Bonne journée, bon week-end. Allez, merci, banane. Au revoir. Attends. Un mardi. Avocat là. Mais si, un mardi. Mais si, tu vas venir, madame. Avocat. Mardi, je vais venir. D'accord. Bah oui. Fais un petit tour au moins, dire bonjour. Bah oui, hein. Pick-up. Bon, c'est bien. Un bon week-end. Un bon week-end, merci. Hein. Merci, toi aussi, au revoir. Il a réussi à repasser. Monsieur, ouais. Terminé. Attendez. Bonjour. Deux champignons. Et les ondiers, c'est parfait. Bah ouais, on va passer à la télé. Il en reste deux à la maison. Alors 2,65 et 3, 5,65 s'il vous plaît. C'est le bon marché. Oui. Voilà. Non mais c'est voilà. Quoi de tous les marchés que je fais, Saint-Omer c'est le meilleur. Oui. Il est toujours poli et toujours sympathique. J'arrive, je vais voir s'il y a des bananes. Ouais. Et les 4 prix sont pas en jeu. En jeu contre le fond, c'est le 8 ans de l'autre. Monsieur, il y a 3 avocats. Il y a de sonore. 5 ou 2 euros. qui fait le monde de la bande. Ah ouais, maintenant. On est pas sûr de revenir vivant. Bah allez, au revoir, bon week-end. Oui, un bon week-end à Savoie. Ouais. Merci, au revoir. Allez, mesdames, la fraise pas chère aujourd'hui. Hein. Allez, la fraise pas chère, on y va, on est là. Madame. Bonjour, terminé? Oui, 5 à vous quoi, 2 euros. C'est parfait, un bon week-end à vous. Au revoir. On va prendre les clés. Oui, combien de temps? 6. Quelques oranges tendues. C'est-à-dire 5-6? Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Allez, mesdames, la belle fraise pas chère. Hein. Allez, on y va, on est là. Oui.